Parlez-vous avec X, Patrick Pénaud. On les appelle désormais les lanceurs d'alerte, les whistleblowers en anglais, des citoyens courageux ou parfois naïfs qui, avertis d'un danger, d'une injustice, d'un scandale, décident de le dénoncer publiquement, quitte à en payer lourdement le prix, car trop souvent ils agissent à la limite de la légalité et risquent d'être considérés comme des traîtres. Le plus connu, mondialement connu même, est aujourd'hui Edward Snowden, aujourd'hui réfugié à Moscou et qui a accusé l'agence américaine NSA d'espionner tout et tout le monde. Une intrusion intolérable dans la vie privée des gens, mais aussi dans les communications les plus secrètes des gouvernements étrangers, même ceux qui sont des alliés des États-Unis. Et M. X, qui nous a parlé la semaine dernière de deux pionniers, Martin et Mitchell, qui, coïncidence, ont eux aussi trouvé refuge à Moscou en 1960, va revenir sur le cas précis de Snowden. Mais dans cette même catégorie des lanceurs d'alerte, on pourrait aussi évoquer Bradley Manning, l'analyste militaire à l'origine des révélations Wikileaks, ou chez nous, le docteur Irène Frachon, qui a dénoncé les dangers du Mediator. Bref, le phénomène se développe tant et si bien que d'aucuns ont imaginé un statut juridique permettant de protéger juridiquement ces lanceurs d'alerte, c'est-à-dire, au fond, une reconnaissance de leur utilité civique. Mais, en attendant, M. X reste aux États-Unis et s'intéresse à la NSA, cette structure restée longtemps mystérieuse qui semble être aujourd'hui la plus grande officine d'espionnage du monde. But you hold him, Joe. Tee-tato, we beat them all in a row. The cost more water, but hold him, Joe. Ring the alarm, and now the sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm, and now the sound is dying. Whoa, hey. Four big sound in a one big lawn. The dance on a play, the other three keep calm. Four big sound in a one big lawn. The boom sound a play, the other three keep calm. Ring the alarm, and now the sound is dying. Whoa, hey, remember this sound, it's a talk of the town, talk of the country, hey. Rock Miss Charlie, rock Miss Munchie, talk of the country. So, ring the alarm, and now the sound is dying. I know, ring the alarm, and now the sound is suffering. Whoa, hey, watch the sound, man, a timber. Watch the sound, man, I pray. Watch the sound, man, I tremble. Watch the sound, man, I pray. Ring the alarm, and now the sound is dying. I know. Ring the alarm, and now the sound is suffering. Whoa, hey. Little of this sound, a little of that. Rock is the common, rock is the fat. Rock the white, and rock of the black. Gun, pandy attack, yes, pandy attack it gun, pandy attack. Sweet reggae music gone straight non-stop. Ring the alarm, and now the sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, and now the sound is suffering. Whoa, hey, some sound sound like a big jump on. Listen this sound of a champion. Run the dance in any session. Rock the woman on. Beat them all over this house. Rendez-vous avec X. Pour commencer, il faut le dire, tout le monde écoute tout le monde. Ouais, vous voulez minimiser le scandale des écoutes de la NSA ? Ah, pas du tout. Mais on a quand même assisté au bal des hypocrites. Car on sait depuis très longtemps que la NSA états-unienne espionne ses alliés et a mis en place un gigantesque réseau qui lui permet de capter les signaux électroniques émis dans le monde entier. Et pour ne parler que de la France, notre service de renseignement extérieur, la DGSE, n'est pas en reste. Elle semble même assez performante dans ce domaine. Non, ce qui a surtout choqué, c'est la servilité des grands organismes de communication et des réseaux sociaux qui ont accepté de livrer jour après jour toutes leurs données à la NSA. Mais vous m'avez dit la semaine passée que dès 1945, à l'occasion de la conférence de San Francisco, les autorités américaines ont exigé des opérateurs téléphoniques la transmission de toutes les communications échangées ou reçues par les délégués étrangers. C'est parfaitement exact. Et dans cette mesure, les États-Unis ont été des pionniers. Encore que, si la même conférence qui devait aboutir à la création de l'ONU avait eu lieu à Moscou, je ne doute pas que le KGB aurait agi de la même façon. Alors, venons-en plus précisément à notre sujet. La notion de lanceur d'alerte a été popularisée dans les années 1990 et a surtout fait florès après 2000. Mais nous l'avons vu avec la malheureuse aventure de Martin et Mitchell. La tentaculaire NSA et ses méthodes intrusives avaient déjà été mises en accusation. Et pourtant, cette agence de renseignement, la plus importante aux États-Unis, est restée longtemps méconnue. En tout cas du grand public, oui. Ce qui ne veut pas dire que le monde américain du renseignement n'est pas connu de scandales avant la spectaculaire action de Snowden. En 1975, par exemple, à la suite de l'affaire du Watergate, on assiste aux États-Unis à un grand déballage. Les agences de renseignement sont sur la sellette et un certain nombre de programmes d'espionnage intérieur doivent être abandonnés. Oui, car ils portaient atteinte à la protection de la vie privée des Américains. Ça a été particulièrement vrai pendant la guerre du Vietnam. On a alors découvert que des centaines d'organisations et de citoyens américains étaient régulièrement espionnés. Et parmi eux, les gens tels que Jane Fonda, John Baez, Malcolm X et même Benjamin Spock, le célèbre pédiatre. En raison de leur engagement contre la guerre. Et leur surveillance était assurée par le FBI d'Edgar Hoover, avec la coopération technique de la NSA. Avec conséquence alors de ce déballage. En 1978, sous la présidence de Jimmy Carter, on institue une mise sous tutelle judiciaire des écoutes. Une cour spéciale est créée. Mais les agences de renseignement ne tarderont pas à la contourner ou même à la circonvenir. Cependant, 2 ans plus tôt, en 1976 donc, un jeune lanceur d'alerte se manifeste, non pas aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne. Qui alors ? Duncan Campbell, un brillant scientifique anglais reconverti dans le journalisme. Détail intéressant, sa mère a travaillé à Bletchley Park pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, là où Turing en particulier a réussi à briser le code des machines allemandes à crypter Enigma. Campbell, lui, lance un vrai pavé dans la mare, sous le titre « Ceux qui écoutent aux portes ». Il publie un article dans un magazine londonien où il révèle l'existence du traité UQSA. C'est-à-dire, je vous le rappelle, cet accord de coopération entre les agences de renseignement britanniques, américaines, mais aussi canadiennes, australiennes et néo-zélandaises, qui a permis d'édifier un formidable réseau mondial d'espionnage électronique. Ouais, les Five Eyes. Comment est-il parvenu, lui, à cette conclusion ? Il a effectué un véritable travail de fourmi en consultant des publications officielles, puis en croisant ces différentes informations. Il a ainsi pu mettre à jour l'existence de 3 départements. L'ELINT, qui intercepte les messages destinés aux satellites et aux missiles, le RADINT, qui enregistre les signaux radars, et le plus important, le COMINT, destiné à surprendre tous les messages radio, qu'ils soient militaires et civils. Et comment ont réagi les autorités britanniques ? Très mal. Campbell et le journaliste qui a co-rédigé son article sont arrêtés et seront détenus plus de 40 jours. Pourtant, d'après ce que vous m'avez dit, là, ils n'ont utilisé que des sources ouvertes. Mais ils feront quand même l'objet d'un procès, ce qui n'empêchera pas Campbell de récidiver en 1980. Dans un article du New Statesman, il affirme que la Grande-Bretagne est espionnée par son plus proche allié, les États-Unis, via une station d'écoute située dans le Yorkshire. Puis il recommence en 1988 un article retentissant. Campbell décrit l'existence et fonctionnement d'un nouveau système de surveillance des communications mondiales, le réseau Échelon. Mmh. Quelle différence avec ce qui existait déjà ? Ce nouveau système améliore grandement les capacités d'espionnage des Five Eyes, que ce soit en amont dans l'interception proprement dite des messages, télégrammes et appels téléphoniques, ou en aval avec le traitement et l'analyse de ces données. Échelon constitue ainsi l'ultime avatar technologique de l'alliance UCUSA, contractée en 1947 par les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs partenaires anglo-saxons. Chaque État s'attribuant des zones d'espionnage en fonction de sa situation géographique. Ouais. Et avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est pratiquement toute la planète qui est couverte par ce réseau Échelon. Et il faut noter que parallèlement aux États-Unis, le journaliste indépendant James Bamford est le premier à révéler l'existence de la NSA au grand public en 1982. Ouais. Donc 20 ans après la défection de Martin et Mitchell qui, eux, avaient déjà dénoncé les activités illégales de la NSA. Ouais, mais à l'époque, on n'avait pas voulu le savoir et on avait surtout retenu que les deux hommes étaient des traîtres puisqu'ils étaient passés de l'autre côté du rideau de fer. Ouais. Et puis, il y avait eu cette extravagante campagne de calomnie sur la prétendue homosexualité de Martin et Mitchell. Oui, car un homosexuel était alors considéré comme un traître en puissance, susceptible de faire l'objet d'un chantage. En tout cas, si ces dernières révélations ne semblent pas vraiment émouvoir les Américains, elles inquiètent de l'autre côté de l'Atlantique. Début 1998, le Parlement européen commande même un rapport à un chercheur. Ses conclusions sont éloquentes. Et c'est-à-dire ? Le système Échelon est décortiqué. Toutes les communications Internet, téléphoniques et fax échangées à travers l'Europe sont régulièrement interceptées par la NSA. Les informations recueillies transitent par une station de télécommunications secrète basée à Londres. Puis elles sont envoyées par satellite à Formid, via une autre centrale située en Grande-Bretagne. C'est aussi l'occasion de découvrir toute une gamme de technologies intrusives et innovantes, de la vidéosurveillance aux méthodes de contrôle des foules, en passant par de nouvelles techniques d'interrogatoire. Mais il y a encore plus important. Je vous écoute là. Toujours à l'initiative de l'Union européenne, un autre rapport sur la surveillance des communications internationales est demandé à Duncan Campbell. Il établit que le système Échelon poursuit un autre objectif. L'espionnage des entreprises. Ouais, le renseignement économique. Oui, dans le monde de l'après-guerre froide, c'est désormais une priorité. Échelon permet de connaître le dessous des cartes lors des grandes négociations commerciales, ou encore de suivre de près l'évolution des technologies sensibles et d'évaluer la stabilité politique et la puissance économique des pays cibles. Et les conséquences de cet espionnage économique sont parfois spectaculaires. Je ne vous donnerai que deux exemples assez récents qui concernent la France. Le premier, nous en avons parlé il y a quelques années. Ah oui, je crois m'en souvenir, il s'agissait d'un gros contrat qui devait être passé avec le Brésil. C'est ça, Thomson CSF était alors bien placé pour vendre au Brésil un système de surveillance électronique de la forêt amazonienne. Mais finalement, c'est la firme américaine Raytheon qui a remporté le gros lot. Car grâce aux informations fournies par Échelon, les Américains n'ignoraient rien du détail des offres de Thomson. Ouais, et ils ont surenchéri. Oui. Autre exemple, la perte d'un faramineux contrat aéronautique que la France était sur le point de conclure avec l'Arabie Saoudite et qui a été raflé par Boeing au détriment d'Airbus. En tout cas, la publication simultanée de ces deux rapports commence à faire du bruit à Bruxelles. Les Européens sont même prêts à entamer un bras de fer avec Washington. Mais on est alors au tout début des années 2000. Et la tragédie du 11 septembre va avoir raison de la détermination européenne de riposter. Oui, car après le drame, il n'est plus question de mettre en difficulté les Américains. On oublie tout au nom de l'indispensable lutte contre le terrorisme. Plus question d'évoquer le système Échelon. Et au Parlement européen, on ne reparlera plus de la NSA avant juin 2013, c'est-à-dire avant les premières révélations d'Edward Snowden. Avant le 11 septembre 2001, les parlementaires européens semblent vraiment décidés à mettre en cause le système échelon et donc l'espionnage industriel pratiqué par les Américains. Toutefois, dans son ouvrage sur l'affaire Snowden, sous-titré « Comment les États-Unis espionnent le monde », Antoine Lefébure nuance, extrait. Cette ardeur politique à reprendre le cours des investigations depuis le début est due à la pression des entreprises plutôt qu'à une mobilisation citoyenne. Le seul motif de violation de la vie privée n'aurait en effet pas suffi à déclencher cette nouvelle enquête européenne, dans la mesure où la notion de vie privée revêt des sens très divers dans les différents États européens. En revanche, quand dans une conjoncture économique difficile, leurs entreprises perdent des contrats internationaux à cause de la concurrence déloyale des Américains, le problème est sérieux. Les politiciens européens ne peuvent donner l'impression de rester indifférents face à cette menace pour l'emploi et la compétitivité de leurs économies. Avant d'en venir plus concrètement au développement de l'affaire Snowden et à la personnalité de ce lanceur d'alerte, un mot pour résumer ce que cet étonnant épisode nous a appris. Et pardonnez-moi pour une fois de mettre la charrue avant les bœufs. Alors voilà. Snowden a révélé que la NSA ne se contentait pas d'intercepter, d'analyser et de stocker jour après jour des milliards de communications, mais elle était aussi capable de lire leur contenu même quand ils étaient cryptés. Alors, il n'y a plus de secret possible. Parfaitement. Ça signifie que l'agence américaine a réussi à pénétrer la conception même des logiciels destinés à sécuriser les échanges d'informations numériques. Avec la complicité des informaticiens chargé de concevoir ces logiciels très sophistiqués. On peut l'imaginer, à moins que les agents de la NSA ne leur aient tout simplement pas donné le choix, au nom de la sécurité nationale, un argument tout puissant aux États-Unis. Alors Snowden, maintenant. Ouais, bah d'où vient-il d'abord ? Il est né en 1984 dans une banlieue de Caroline du Nord. Son père est un officier de la gendarmerie maritime et sa mère travaille dans un tribunal fédéral de Baltimore où elle est chargée des nouvelles technologies. Détail pittoresque. Le jeune Edward grandit à quelques kilomètres du QG de la NSA, Formid. Oui, c'est simplement une coïncidence. Bien évidemment. Mais il faut tout de même noter que dans cette banlieue, on trouve beaucoup de militaires ou de gens qui travaillent pour la NSA. En tout cas, sans doute influencé par sa mère, Edward se révèle très tôt comme étant un jeune homme très doué en informatique. C'est un « geek », comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce timide, plutôt solitaire, est collé en permanence devant son ordinateur. Mais par ailleurs, c'est un écolier et un étudiant plutôt médiocre. Bref, il n'y a que l'informatique qui l'intéresse. Oui, il n'obtiendra d'ailleurs aucun diplôme, ce qui donnera longtemps un complexe d'infériorité, alors qu'au fond de lui-même, il s'estime supérieur à ses camarades de lycée. Et politiquement, on peut le situer ? Ah ben, c'est loin d'être un progressiste. Et ça tient aussi à son environnement social et familial. Très attiré par l'armée et les services secrets, c'est aussi assez curieusement un personnage qui se revendique comme un rebelle. Pas mal de contradictions, là. En effet. Alors, politiquement, bon, il n'est pas très loin du Tea Party. Un conservateur, par conséquent. Ouais. Mais tendance Ron Paul. Ron Paul, c'est le libertarien. C'est... Oui, ouais. Snowden est littéralement obsédé par la liberté de penser et d'agir. Et dans cette mesure, ce qu'il découvrira en travaillant dans le secteur du renseignement lui inspirera les plus grandes frayeurs. Enfin, n'allons pas trop vite. Bah, comme d'habitude. Hein. Allons, Monsieur Penaud. Snowden pense d'abord à faire carrière dans l'armée. Hop, pour un libertarien, c'est assez original, non ? Je suis d'accord avec vous. Alors, à l'âge de 20 ans, il se présente à Fort Benning, une base militaire où sont formés les hommes des forces spéciales. Mais il est rapidement déçu et il s'en expliquera plus tard. Lui, il voulait s'engager pour aider les Irakiens à se libérer. Tandis qu'il se rend compte que ses camarades et les formateurs veulent surtout tuer des Arabes et se moquent bien d'aider les Irakiens. Ouais. Alors, il retourne rapidement à la vie civile ? Et sans doute pas de sa propre autorité. Ah, on l'a viré ? C'est probable. Déçu par l'armée, il trouve alors un emploi d'agent de sécurité dans une unité de l'Université du Maryland qui est affiliée au département de la Défense. En même temps, il essaie de poursuivre ses études sur Internet, mais sans aller jusqu'au bout. Toutefois, en 2006, Il semble avoir enfin trouvé sa voie. Il est engagé à la CIA. Et pour quelle fonction ? Il est chargé de s'occuper de la sécurisation des réseaux de l'agence. C'est un poste relativement important. Et comment alors ce jeune homme, sans diplôme ni véritable expérience, a-t-il pu en arriver là ? J'avoue que je n'en sais trop rien. Sans doute, Snowden a-t-il pu faire la démonstration de ses talents d'informaticien. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Quoi qu'il en soit, le jeune homme a l'impression d'être enfin reconnu. Et dans un domaine, le renseignement qui l'intéresse tout particulièrement. Et qui le lui rend bien, car Snowden est rapidement apprécié par ses supérieurs. Dès 2007, il est promu. Alors que va-t-il faire ? La CIA l'envoie pour 2 ans au consulat américain de Genève. Sous couverture diplomatique, il a la responsabilité de la sécurité du système informatique. Ça signifie que ce jeune informaticien de 23 ans a dès lors accès à de nombreux documents hautement confidentiels. Oui, d'autant que Genève est un poste diplomatique important en raison des organisations internationales qui y sont établies. Et les agents de la CIA et de la NSA y sont très actifs. Et Snowden est logiquement conduit à les fréquenter ? C'est évident. Pendant, dès cette époque, Snowden commence à s'interroger. Sur la nature de son travail ? Et surtout sur les objectifs poursuivis par les agences états-uniennes de renseignement. D'après ses proches, auxquels il s'est confié, Snowden prend alors conscience que pour exercer ce métier, il faut obligatoirement se salir les mains. Il a donc été témoin de comportements illégaux ? Ou pour le moins peu moraux. Mais il faisait des illusions ou quoi ? Il y avait incontestablement une part de naïveté chez lui. Et rappelez-vous, Martin et Mitchell étaient aussi des naïfs. Ce serait donc l'une des caractéristiques des lanceurs d'alerte ? Faut pas non plus exagérer. Alors la suite. En 2009, il quitte la CIA, mais pas tout à fait le monde du renseignement. Il est embauché par la firme d'informatique Dell, qui est aussi un prestataire privé de la NSA. Attendez, c'est lui qui a pris la décision de quitter la CIA ? Il y a un doute sur ce point. Selon une source, son supérieur aurait émis un avis défavorable sur son travail. Pour quelle raison ? Snowden se serait montré trop curieux et aurait accédé à des dossiers qu'il n'aurait pas eu le droit de consulter. Mais cette information n'a pas été recoupée. Elle semble même douteuse, puisqu'elle aurait pu remettre en cause son engagement chez Dell, qui l'envoie au Japon, dans le cadre de son partenariat avec la NSA. Ou alors, il faut en conclure que le partage de l'information entre les agences de renseignement américaines est bien défectueux. Au Japon, en tout cas, Snowden jouit d'un salaire très confortable et suit parallèlement à son travail une formation technique offensive de la cyberguerre. La cyberguerre, c'est-à-dire la pénétration de bases de données. Et la capture de documents confidentiels. Là, c'est un travail de hacker. Et rapidement, Snowden excelle dans ce domaine et devient même un expert en cybersécurité, en collaborant avec une autre entreprise sous-traitante de la NSA. En mars 2013, il intègre même cette société, Booz Allen Hamilton, une entreprise qui est réputée maîtriser le mieux les techniques de la cyberguerre en ne cessant de les améliorer pour le compte de l'agence américaine. Ouais. Et mars 2013, dites-vous, à cette date, a-t-il déjà l'idée de devenir le lanceur d'alerte le plus célèbre du monde ? Je ne sais pas, mais il est certain que déjà depuis plusieurs mois, il cherche à rassembler le maximum d'informations confidentielles sur les secrets les plus protégés de la NSA. Il prépare donc son coming out. Et c'est pourquoi il s'est fait embaucher chez Booz Allen Hamilton, l'une des entreprises les plus pointues du secteur, qui va donc lui permettre de recueillir des informations essentielles sur les pratiques de la NSA. Et si je comprends bien, son attitude ne semble pas suspecte. Non, apparemment personne ne se méfie de lui. Et quand il va sauter le pas, ça fera l'effet d'un coup de tonnerre pour ses employeurs et même ses collègues de travail. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Sans anticiper sur le récit de Monsieur X, il faut souligner le fait que les lanceurs d'alerte sont désormais stigmatisés aux États-Unis et systématiquement poursuivis. Sur le site de la revue Regard, un éminent spécialiste du net, Jean-Marc Manac, donne des détails. Le 14 novembre, Donald Sachleben, 55 ans, un ancien expert en explosifs du FBI, est condamné à 3 ans et demi de prison ferme pour avoir expliqué à un journaliste comment la CIA avait déjoué un attentat contre un avion de ligne en partance du Yémen. Le lendemain, Jeremy Ammon, un hacker de 28 ans, affilié au mouvement Anonymous, était condamné à 10 ans de prison pour avoir piraté de nombreux serveurs, dont ceux de Stratfor, une société privée américaine de renseignement. Incarcéré depuis septembre 2012, Barrett Brown, un journaliste d'investigation de 32 ans, connu pour ses enquêtes sur la société de surveillance et l'industrie privée de la cybersécurité, risque, lui, 105 ans de prison pour avoir copié un lien permettant d'accéder aux données piratées sur les serveurs de Stratfor. Au total, pas moins de 8 lanceurs d'alerte ont ainsi été accusés d'espionnage par l'administration Obama contre seulement 3 sous Nixon, Reagan et Bush réunis. Cette nouvelle chasse aux sorcières fait d'ailleurs l'objet d'un programme global mis en place en 2011, nom de code « Menace intérieure », incitant les fonctionnaires à surveiller leurs collègues et menaçant de poursuites judiciaires tous ceux qui ne dénonceraient pas les comportements suspects. Mais poursuivons. Monsieur X raconte comment Edward Snowden a brusquement changé de vie. En mai 2013, après avoir fait le plein de données confidentielles de la NSA, Snowden demande à son supérieur quelques jours de congé. Et Martin et Mitchell n'avaient pas agi autrement. Hein. Eux aussi avaient prétexté des vacances. C'est une coïncidence de plus entre ces deux affaires. L'informaticien s'envole pour Hong Kong. Il s'est muni d'une assez grosse somme d'argent et voyage avec 4 ordinateurs. À votre avis, pourquoi a-t-il choisi Hong Kong? Peut-être pense-t-il y jouir d'une relative liberté. Et puis, il estime que le choix de cette ville pour y passer quelques jours de loisirs ne risque pas d'alerter les services de renseignement américains. Est-il attendu dans l'ancienne colonie britannique? Oui. Un an plus tôt, Snowden a pris contact avec un journaliste britannique blogueur qui tient aussi une chronique dans le Guardian, un certain Glenn Greenwald, et aussi avec une documentariste américaine, Laura Poitras. Pourquoi eux? Parce que ce sont des enquêteurs indépendants qui sont également des militants résolus des libertés et des droits de l'homme. À ces deux journalistes, il s'est donc couvert de son projet? Certes, mais il a pris un luxe de précaution. Il n'aura pas dévoilé son identité. Et il communique avec eux en utilisant un logiciel crypté. En tout cas, il leur en a dit assez pour les appâter, car tous deux seront au rendez-vous de Hong Kong. Que se passe-t-il lorsqu'ils se rencontrent? Pendant plusieurs jours, Snowden va leur livrer son précieux butin, c'est-à-dire à la fois son témoignage et les documents qu'il a stockés sur ses 4 ordinateurs. Et dès le 5 juin 2013, Greenwald publie un premier article dans le Guardian. Un vrai scoop. Le journaliste révèle l'étendue de la surveillance électronique opérée par la NSA à travers le monde. Et pour asseoir ses révélations, il livre une preuve. Un premier document. Et quoi précisément? Il s'agit d'une ordonnance émise par la FISC, un acronyme désignant un organisme chargé de l'application de la loi encadrant les procédures de surveillance physique et électronique. Cette FISC demande à Verizon, une entreprise américaine de télécommunications, l'un des plus grands opérateurs du pays, de transmettre les relevés téléphoniques de ses clients à la NSA. À partir de là, les révélations vont se succéder en cascade, tantôt dans le Guardian britannique, tantôt dans le Washington Post américain. Ouais, deux quotidiens prestigieux. Et qui découvre-t-on encore? Le fonctionnement du programme PRISM, le nouveau nom d'échelon, c'est-à-dire la source première des renseignements bruts destinés aux analyses de la NSA. On apprend ainsi que la NSA, mais aussi le FBI, intercepte les informations de 9 des plus grandes entreprises américaines du web. Les deux agences se servent directement dans leurs serveurs centraux. Et rien ne leur échappe. Chats, audio et vidéo, photos, courriels, documents et même identifiants de connexion. Ah oui, ce qui permet de remonter ensuite jusqu'aux envoyeurs. Qui ne peuvent plus se dissimuler. Oui. Et les révélations continuent. Oui, Snowden n'est vraiment pas arrivé à Hong Kong les mains vides. Le 7 juin 2013, le Guardian publie une directive présidentielle de 2012 demandant notamment aux membres du gouvernement de dresser une liste des cibles potentielles qui pourraient faire l'objet de cyberattaques. Des cyberattaques initiées alors par ce même gouvernement. En effet. Et quelles sont les premières réactions ? Les grands acteurs du web, Google, Facebook, Apple et les autres nient et se défendent en proclamant qu'ils n'ont fait que respecter la loi. Et la Maison-Blanche ? C'est l'embarras et sinon la panique. Barack Obama lui-même réagit en rassurant les Américains. « Nous ne vous espionnons pas, mais il nous faut trouver un compromis entre la protection de la vie privée et la lutte contre le terrorisme. Un équilibre difficile. » Il convainc. Non, pas vraiment. Et dans ces premiers jours-là, sait-on qui est à l'origine de ces révélations ? Pas du tout. Snowden se terre car il a très peur d'être arrêté. Mais le 9 juin, le Guardian met en ligne une vidéo où il apparaît enfin, filmée par Greenwald et Poitras à Hong Kong. Et il s'explique. En substance, il dit qu'il refuse de vivre dans un monde où la vie privée n'existe pas, où il n'y a donc aucune place pour une pensée libre. Ouais, fin du suspense, hein. Et surprise. En découvrant le visage assez falot de ce petit jeune homme, BCBG, et le cycle des révélations continue. Le Guardian dégoupille une nouvelle grenade. Les gouvernements américains et britanniques ont espionné les diplomates étrangers lors du sommet du G20 en 2009. Et puis, quelques jours plus tard, il publie des documents prouvant que la NSA peut, sans mandat, conserver les conversations de tous les fonctionnaires américains si elle suspecte un crime ou des menaces sur la sécurité nationale. Mais Snowden n'a pas encore vidé sa besace. Quoi encore ? Vers le 20 juin, on apprend l'existence du programme de surveillance Tailwind, mis en place après les attentats du 11 septembre. Toutes les données personnelles d'un citoyen sont saisies automatiquement à partir d'un simple numéro de téléphone enregistré dans le système ou à la suite de l'apparition d'un mot-clé dans ses communications. Ce qui suppose une étroite collaboration entre l'État et les grandes entreprises privées. Ça va même si loin que les sociétés censées vendre des logiciels de sécurisation... Sécurisation des systèmes cryptant les communications, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Eh bien, même ces entreprises n'ont pas de secret pour la NSA et son équivalent britannique, le GCHQ. Ouais. Ce qui signifie alors que ces sociétés... flouent leurs clients prétendant leur vendre des systèmes sécurisés. C'est exact, oui. Ouais. Et le flot de révélations se poursuit. Mais il semble inépuisable. J'imagine qu'à Washington, on doit essayer d'en finir. Hein. Ah, mais il faudrait mettre la main sur Snowden. La chasse s'est donc lancée. Snowden comprend qu'il lui faut fuir. Un collaborateur de Julian Assange, autre célèbre lanceur d'alerte, lui donne un coup de main pour quitter Hong Kong. Et le 23 juin, on apprend que Snowden a choisi de se réfugier à Moscou. Oui, mais il va rester longtemps coincé dans la zone de transit de l'aéroport moscovite. Hein. Pendant 5 semaines, oui. Ouais. Il demande à bénéficier d'un asile politique temporaire. Au Kremlin, on est plutôt embarrassé. Certes, les relations avec Washington ne sont pas toujours idylliques, mais accueillir Snowden, c'est défier ouvertement les États-Unis. Aussi, Poutine propose-t-il un marché à Snowden ? Il peut rester en Russie s'il renonce à mener des activités nuisibles aux USA. Et Snowden accepte ? Bah oui, car il n'a pas d'autre choix. Tant ont été nombreux les pays qui ont refusé de l'accueillir, à commencer par la France. Depuis, Snowden se trouve toujours en Russie dans un lieu tenu secret. Ce qui, bien évidemment, n'empêche pas ses révélations de continuer à faire des vagues. Et surtout à l'étranger, où des dirigeants n'ont guère apprécié d'avoir été écoutés. Ouais. Hollande, Merkel font part de leur indignation. Mais remarquez-le, ça n'ira guère plus loin. Ouais. Bon. Bon, on verra dans un instant pourquoi. En tout cas, le président américain est contraint de réagir. Comment alors ? En août 2013, Obama commande un rapport sur la NSA à un groupe d'experts, des membres de la communauté du renseignement et des juristes. Mais avant même la remise de ce rapport, on apprend que le président rejettera l'une de leurs propositions phares, le remplacement des militaires par des civils à la tête de la NSA. Ouais. Et finalement, alors ? À la mi-janvier 2014, Obama rend son verdict. Il annonce des réformes dans les programmes de surveillance de la NSA. Mais elles apparaissent bien modestes. Et surtout, aucun des programmes de surveillance en cours n'a été annulé. Toutefois, certains garde-fous sont mis en place. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Une constatation d'abord. La NSA ne sait toujours pas combien de documents Snowden a pu extraire de ses archives avant de fuir au printemps 2013. Et ça, c'est une source permanente d'inquiétude. Deuxièmement, malgré la volonté de relative transparence affichée par Obama, les effectifs et le budget de la NSA sont encore des données couvertes par un secret rigoureux. Oui, on peut quand même faire des évaluations. Hein. Oui, oui, la NSA emploierait entre 30 000 et 40 000 agents et son budget serait compris entre 8 et 10 milliards de dollars. Et surtout, depuis le 11 septembre 2001, elle a bénéficié de plus de 40 milliards de dollars d'investissement et embauché près de 10 000 employés supplémentaires. Et ses dirigeants n'ont nullement l'intention de mettre un coup d'arrêt à son développement. À l'automne 2013, on a inauguré dans l'Utah, au cœur du pays mormon, le plus grand centre d'interception des communications des États-Unis et probablement du monde. Et vous avez laissé entendre que si les dirigeants étrangers, européens, n'avaient pas réagi plus fermement en apprenant qu'ils avaient été espionnés, c'est qu'il y avait des raisons sérieuses. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas été étonnés par cette révélation. Ouais, c'était un secret de polichinelle. Oui, parce que tout le monde écoute tout le monde. Oui, mais pas avec les mêmes moyens. C'est vrai. Et il est certain que les États-Unis bénéficient là d'une réelle supériorité. Pourtant, pour ne parler que de la France, notre pays n'a pas été seulement une parfaite victime. D'abord, le principal opérateur de télécommunications français, Orange, n'a guère de secret pour notre service de renseignement extérieur, la DGSE. Et ensuite, on a appris, à l'occasion du grand déballage de l'affaire Snowden, que cette même DGSE possède non seulement de grandes oreilles, très performantes, mais qu'elle est même capable de conduire des cyberattaques très efficaces. Je vous recommande la lecture de l'affaire Snowden, comment les États-Unis espionnent le monde, d'Antoine Lefébure, paru très récemment à La Découverte. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez nous faire part de vos commentaires. Rebecca de Nantes a préparé, comme à l'habitude, cette émission, réalisée, comme à l'habitude, par Michel Biou et mise en musique, comme à l'habitude, par Monsieur Djoum. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.